orgueil de ses discours. Il lui échappait publiquement, comme l'a écrit Titus Ampius, des paroles qui ne marquaient pas moins d'orgueil que ses actes. Il disait que la République était un mot sans réalité, sans valeur, que s'il l'a ignoré jusqu'au principe de la science, du gouvernement, puisqu'il avait déposé la dictature, que les hommes devaient lui parler désormais avec plus de respect, et regarder comme loi ce qu'il dirait. Il en vint même à ce point d'arrogance de répondre à un aruspice qui lui annonçait des présages funestes et qu'on n'avait pas trouvé de cœur dans la victime, que les présages seraient plus favorables quand il voudrait, et que ce n'était point un prodige si une bête n'avait pas de cœur.